l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Bonjour monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous voulez boire quelque chose, monsieur ? Moi, je veux bien un café. Un café ? Vous avez préparé. Bon. Monsieur Ostrowiecki. Voilà. Oui, on s'est eu au téléphone. Je suis contente que vous soyez venu. Votre histoire, je l'ai à peu près en tête. Vos parents ont été arrêtés le jour de la rafle. Également moi. Et vous également. Voilà, on en parle. La rafle d'Yveldiv, 7e épisode, à la recherche des derniers témoins. Alain Lefkovitch, Séverine Cassard. Alors ici, nous sommes à la permanence photo du mémorial de la Shoah. Nous sommes dans un lieu où on reçoit les familles, les descendants de survivants et les personnes qui viennent ici nous apportent leurs documents, leur histoire. Nous les interviewons, nous collectons leurs documents, nous reproduisons les documents ici. Lior Smadja, responsable de la photothèque du mémorial de la Shoah. Quelquefois, les personnes souhaitent que nous conservions ces documents, leurs originaux, qu'on nous les préservions au mémorial de la Shoah. Quelquefois, non. Alors, on les numérise sur place et on leur rend immédiatement. Et les gens viennent par le bouche à oreille, puisque tous les mardis, les gens viennent avec beaucoup d'archives. Il ne s'agit plus d'une seule photo, par exemple de leurs parents déportés. Souvent, les gens venaient avec une photo. Eh bien là, non, ils ont fait peut-être leur placard. Et donc, les gens viennent avec des quantités de documents qui, pour nous, sont très, très intéressants. Donc, je vais déjà prendre votre nom. Henri, hein, c'est ça ? Mon prénom, Henri, oui. Henri. Ostrowiecki. O-S-T-R-O-W-I-E-C-K-I. Et on m'appelle communément Ostro. Ostro. Alors, déjà, est-ce que vous avez amené des photos, comme oui. Je vous avais demandé ? Oui. Ah, vous avez un album entier, c'est extraordinaire. Ça. Là, on va parler principalement de vos parents, de vos grands-parents aussi, peut-être. Mes grands-parents, ce sera extrêmement rapide. J'ai aucun souci. Enfin, on en parlera. D'accord. La Shoah est passée par là. Alors, on commence par quoi ? Bah écoutez, comme vous voulez. Alors voilà, donc, voilà mes parents. Vos parents. Ça, c'est mon père. C'est mon D'accord. père avec moi. Avec vous. D'accord. Donc, vous aviez quel âge, là ? Vous êtes né en... Attendez. Puisque il a été arrêté en mai 41, donc en 37, j'avais 3 ans. Quand il a disparu de ma vie, j'avais 3 ans. Ça, c'est ma mère. D'accord. Ça, c'est toujours ma mère avec moi dans les bras, mais encore plus jeune. Et là, c'est donc ma famille plus ma tante. D'accord. Vous avez d'autres photos de votre mère, des originaux ? Il y en a encore une. Donc, c'est qui, alors, sur cette photo, monsieur Ostrowiecki ? C'est ma tante et ma mère. Alors, votre mère et votre tante ou l'inverse ? Dites-moi. Ma mère, c'est la plus fine, celle-là. Alors le mémorial, depuis une dizaine d'années, recueille les témoignages des derniers témoins vivants de la Shoah. Aujourd'hui, vous lancez un appel pour récupérer et récolter les derniers témoignages de cette rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942. Comment ça se passe ? Vous avez lancé un appel à travers les réseaux sociaux, à travers les associations, à travers les communautés juives. Comment vous avez fait ? Alors oui, on a effectivement lancé un appel à travers les réseaux sociaux, mais pas uniquement. On s'est beaucoup intéressé aussi aux communautés juives et notamment on travaille avec des associations comme l'association Passerelle, qui est une association qui s'occupe des survivants de la Shoah à travers la France. Et à travers tous ces médias, tous ces réseaux, on a lancé cette campagne de témoignage qui est très urgente puisqu'il s'agit de recueillir la parole des derniers témoins de la rafle du Veldiv. Vous avez passé une annonce comme si on passait une petite annonce en disant recherche, témoin, vivant de la rafle du Veldiv. Qu'est-ce que vous avez écrit dans votre message ? Alors oui, on a écrit exactement ça. On recherche des personnes qui auraient été témoins ou qui auraient vécu la rafle du Vel'd'Hiv le 16 et 17 juillet 1942 à Paris. Et on a aussi été un petit peu plus loin puisque c'est le mois de juillet à Paris, mais aussi c'est le mois d'août en province, à Marseille, à Toulon. Enfin, c'est ce qu'on a appelé l'été 42. Et c'était très surprenant puisque on a quand même eu donc une quarantaine de personnes qui ont répondu et aujourd'hui on en a enregistré 30. À peu près. Et on repart sur les routes. Donc on va faire une dizaine de villes en 2022. On commence avec Marseille, là. Il y a une forme d'urgence. Cette parole est en train de s'éteindre. Bien sûr, il y a des enfants, il y a des descendants. Mais quand on parle de photos, d'images, puisque vous êtes à la photothèque, si on ne peut plus identifier les personnes sur les photos, les photos sont perdues. Et nous, on a comme ça, des gens arrivent quelquefois avec des sacs plastiques, plein de photos. Et on regarde ces photos les unes après les autres. Il n'y a rien derrière les photos, un prénom, à peine une date. On ne peut plus rien en faire. C'est terminé pour l'histoire et la mémoire. Et nous, au mémorial, on s'attache à ce que chaque photo ait une signification, une identité. Donc si vous n'avez plus ça, les photos ne rejoignent pas les collections du mémorial. Donc si par exemple moi je vous apporte les albums photos de ma grand-mère, seule ma grand-mère était capable de les identifier, moi je ne sais pas qui sont ces gens et puis personne n'est là pour dire qui sont ces gens, donc ces photos, j'en fais quoi ? Les photos de votre grand-mère, alors vous avez au moins un indice, hein, ce sont les photos de votre grand-mère, donc on sait, l'histoire de votre grand-mère vous la connaissez ? Un petit peu, oui. Alors déjà, c'est déjà pas mal. Vous connaissez l'histoire de votre grand-mère, vous avez un peu la située dans une aire géographique. Est-ce que c'est en Pologne? Est-ce que c'est en Slovaquie? Est-ce que c'est à Paris? Avec un peu de chance, peut-être que derrière les photos, il y aura des indications. Peut-être que c'est du yiddish, peut-être que c'est du polonais, on pourra traduire. Nous, on va enquêter avec vous. Le problème, c'est quand des photos n'ont vraiment plus de sens. C'est-à-dire que vous avez des déménagements, par exemple, des gens qui sont décédés, et puis des personnes extérieures nous apportent des paquets de photos. On sait qu'il y a une origine juive, peut-être, et là, c'est complètement perdu. Pour votre grand-mère, il y a peut-être encore quelque chose à faire. Vendredi 14 janvier, en haut de la rue de Belleville, dans le 19e arrondissement de Paris. Julien Blanc, historien, spécialiste de la résistance en France, a rendez-vous avec l'histoire, celle d'un des derniers témoins de la rafle des 16 et 17 juillet 42. Il s'appelle Maurice Oxenberg et va témoigner face caméra, de quoi nourrir les archives du mémorial de la Shoah et la postérité. C'est moi, ça va ? Azoy. Azoy ? Vous êtes venu de loin, là ? Du 17e. Non, mais c'est un taxi, ils m'ont envoyé un taxi, ils m'ont embarqué. Mon petit-fils, oui, heureusement qu'il est là parce que c'est mon bâton de vieillesse. En communication. Bonjour, c'est entre le 3e et le 4e. Vous pouvez entrer. Bonjour, Magali. Vous pouvez entrer. Entrez, monsieur, allez-y, vous venez. Je vous présente Magali. Magali, moi je suis Moïse. Qui s'occupe ? Ou Maurice, si vous voulez. Et en fait, Magali, voilà. Elle s'occupe de... Elle, c'est elle qui prend l'image. Et puis là-bas, là, c'est Fred. Je vois pas. Fred, non, vous ne le voyez pas parce que vous avez l'éclairage. Oui, la lumière est dans les yeux. Fred, il s'occupe du son. Ah, d'accord. Voilà. Et moi, je vais vous poser des questions. Alors, l'idée du mémorial, c'est de constituer une base de données, en fait, de témoignages. Julien Blanc. Qui pourront être réutilisés par des chercheurs à l'avenir et par tout public qui s'intéresse à ça et qui a envie d'avoir accès effectivement à un témoignage. Donc c'est un recueil de témoignages sous la forme d'un entretien filmé avec une caméra fixe et on suit en cela un questionnaire qui nous donne un certain nombre d'indications que les témoins ont remplies plus ou moins, de manière plus ou moins précise avant l'entretien. Et on suit ça, et après on s'adapte en fonction évidemment du témoin, de ce qu'il dit ou de ce qu'il ne dit pas. Donc c'est une sorte de va-et-vient entre la parole du témoin qu'il faut laisser le plus possible parler, en même temps essayer de lui faire de faire préciser un certain nombre de choses, de dates, de faits, de circonstances, avec évidemment toute la part de reconstruction que peut avoir un témoignage. Donc ce sont des questionnaires qui sont classiques, hein, avec toutes sortes de questions sur qui abordent des sujets comme le milieu d'origine de vos parents, à quel moment ils sont arrivés en France, puisqu'il s'agit quand même très très largement de gens dont les parents étaient des étrangers qui sont venus en France dans les années 20 ou dans les années 30. Beaucoup de Pologne, mais pas seulement, mais beaucoup de Pologne. Et donc ça aborde toutes sortes de thèmes, le milieu social, ce que faisaient les parents, comment ils se sont rencontrés, à quelle date ils sont arrivés en France. Et moi après j'ajoute des choses, je pose des questions sur voilà, la naturalisation. Moi ça m'intéresse beaucoup d'essayer d'avoir des détails sur la vie avant la guerre en fait. Parce que l'avant-guerre m'intéresse aussi beaucoup. J'ai souvent envie de les entendre sur, voilà, sur cette petite enfance et au fond, ce monde qui a disparu, quoi, qui a volé en éclats. Je reste debout. Ouais, et je vais vous passer ça dans la chemise. Hein ? Je peux me permettre ? Mais bien sûr, vous pouvez vous permettre. Regardez bien, c'est moi que vous regardez. D'accord, je regarde. Parce que moi, je vais être juste à côté de la caméra. Je préférerais regarder la jeune fille. Alors, vous pouvez regarder la jeune fille, si vous préférez. Les anges. Voilà, mais donc vous essayez de nous regarder. Voilà. Oui. D'accord. Je peux m'asseoir ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez peut-être l'habitude de témoigner ? Comment ? Vous avez l'habitude de témoigner ? C'est la première fois ? Pas du tout, c'est la première fois. Personne ne m'a interrogé. Waouh ! Bah, c'est super d'être là aujourd'hui, alors. Ben, on peut y aller quand vous voulez, moi je suis prêt. C'est bon pour toi ? C'est bon pour tout le monde ? C'est bon pour vous ? Vous êtes prêt ? Eh bien, ça tourne. Nous sommes vendredi 14 janvier 2022. Il est 10h du matin. Bonjour monsieur Oxenberg, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Maurice, officiellement, ce qui a été déclaré à la mairie, mais à la maison, on m'appelait surtout quand j'étais petit, moi, chez les. Voilà, et je suis né le 18 novembre 1928 à l'hôpital Rothschild, bien sûr, parce que mes parents étaient pauvres et tous les enfants juifs de famille pauvre, 9 fois sur 10, naissaient à l'hôpital Rothschild dans le 12e. Voilà. Alors je suis un enfant du 12e arrondissement. Alors, rue de Thionville, au numéro 4, il y a une petite courette. Et nous habitions au 4e étage, sous les toits. Alors, la rue de Thionville, c'était un peu la cour des miracles. Nous étions, à l'époque, 3 familles juives. Après, il est en arrivé plus tard, une 4e. Et on jouait dans la rue. Juif, pas juif, goy, pas goy, on ne savait pas ce que c'était. On formait des bandes, et on jouait dans la rue, on n'était pas malheureux. Et une anecdote, c'est-à-dire que Joseph, qui était d'origine russe, un juif russe, oui, il avait 4 gosses. Il y avait Suzanne, qui était ma copine, qui avait à peu près mon âge. Il y avait Maurice, qui était plus petit. Il y avait Marcel, qui était plus grande. Et il y avait Lazare, qui était l'aîné. Et ce qui me reste, ce souvenir, alors, extraordinaire, c'est que sa femme, la mère donc de mes copains-copines, la femme de Joseph, elle allait toujours au hall et elle allait toujours en fin de marché. Elle revenait avec des, vous savez, des grands bris, mais qui étaient en fin de course parce qu'ils étaient tellement faits que lorsque ce bris était sur le plateau, je me vois encore avec le père Joseph dans le lit. Nous agglutinait autour de lui tous les gosses du 4. Il donnait son coup de couteau dans le bris, ça coulait tout seul, et nous, avec des morceaux de pain, on mangeait, vous voyez. Et cette image me reste encore, et je pleure parce que Suzanne, Frida, ils ont tous disparu. Alors, tu sais, je suis... Voilà, le 15... Je jouais avec eux et le 17, ils n'étaient plus là. Ils ne sont pas revenus. Excusez-moi. On est face à quelqu'un. Ce qu'il raconte est difficile. Il y a des moments où ils sont submergés, qui ne sont pas forcément les moments, d'ailleurs, auxquels on s'attend. Donc c'est difficile, c'est un investissement, on ne peut pas être... on est dans une position, évidemment, d'extériorité, mais ça remue. Et parfois, on arrive à nouer ce lien, à diriger les choses, à la fois pour que ce soit fluide, mais en même temps pour que ce soit précis. Et puis il y a des fois où on n'y arrive pas, où on y arrive moins. Il y a des fois où on sort de l'entretien en se disant, bah là, voilà, là on a un récit qui tient, qui est cohérent, qui apporte quelque chose, qui peut être utilisé aussi. Moi j'ai beaucoup ça derrière la tête, peut-être trop d'ailleurs. Parce que du coup ça induit une forme de contrôle ou de volonté de contrôle. Moi je me dis qu'il faut absolument que ça serve à quelque chose. Ça fait pas l'histoire, mais que ça puisse y contribuer. Donc parfois on est content, au sens où on se dit que c'est utile. Et puis il y a des fois on se dit en fait là ça c'est pas utilisable. Moi j'ai tout le temps cette idée là en tête quoi. Parfois c'est une idée d'ailleurs un peu pesante. Est-ce que vous vous souvenez, très vite, il y a une législation antisémite, il y a des lois. Comment ça impacte votre famille au début ? Ça n'impacte aucunement ma famille parce que mon père dit qu'il ne faut pas se déclarer. Je n'ai jamais porté l'étoile. Donc votre père ne se fait pas enregistrer ? Mon père ne s'est pas fait enregistrer. Nous n'étions pas déclarés comme juifs. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il ne se déclare pas ? Parce qu'il était passé par l'Allemagne, il savait ce qui se passait. Et il avait dit non, faut pas le faire. Donc ils n'ont pas votre adresse. Ils n'ont pas notre adresse. Et quand il y a eu, si vous voulez, la fameuse rafle du 16 juillet, il est vrai qu'on était apeurés, mais on n'est pas venu frapper à notre porte. Il était environ 8 heures du matin. J'avais envie d'aller aux toilettes et j'ai descendu 4 à 4 les étages. Ça, alors là, ça m'est resté. Il y avait deux chiottes à la turque. Il y en avait un qui était occupé, l'autre était libre. Et à côté, c'était Frida qui était là. Et on s'est dit au revoir, un chiotte à la turque et l'autre. Vous, ils ne sont pas venus vous chercher chez vous, ils n'ont pas frappé à votre porte. Mais non, on n'était pas déclarés. Mais par contre, ils sont allés chercher d'autres gens dans votre... Voulez-vous que je vous dise, si Frida s'est fait prendre, elle est un peu responsable, si vous voulez. C'est une enfant unique, une enfant gâtée par ses parents. C'était la prunelle de leurs yeux. Ils étaient chez des voisins goy, à quel étage, je ne me rappelle pas. Parce qu'on avait... On avait des antennes au commissariat, on était venu nous prévenir qu'il allait y avoir une rafle. Ils étaient chez ses voisins goy. À 6 heures du matin, elle a envie de faire pipi ou caca, je ne sais pas. Sa mère lui dit, fais dans le pot ici. Elle aura fait une pantomime, toute une histoire, qu'à la fin la mère lui a filé les clés. Elle est, au moment où elle est descendue, je ne l'ai pas vue. Elle était à la porte pour ouvrir. Les flics sont arrivés. Elle a commencé à crier. Ses parents sont descendus. Et puis ils se sont fait embarquer. Voilà. Bah, le lendemain, quand on est retourné à l'école, effectivement, tous les gosses juifs n'étaient plus là. Ça, vous vous en souvenez ? Ça, je m'en rappelle. Mais on ne savait pas. Vous savez, bon, on nous racontait qu'on les avait embarqués, mais c'était pour partir, qu'ils étaient regroupés dans certains endroits. On n'imaginait pas les camps de la mort. On ne les imaginait pas. C'était impossible à imaginer. Impossible. Vous n'avez pas vu d'autobus, de choses comme ça, le 16 juillet ? Le 6 juillet, j'ai pas vu, on bougeait pas de la maison, à part de cet intermède où je suis descendu, où j'ai parlé à Frida et je suis remonté aussi vite. Vous vous souvenez des dernières paroles que vous avez échangées avec elle ? Ben, je lui ai dit au revoir. Vous lui avez dit au revoir parce que vous avez compris qu'elle était arrêtée ? Ben oui, elle me l'a dit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Ben, elle m'a dit, voilà, c'est de ma faute, je suis descendu et Et maman et papa sont arrivés, et donc, voilà. Ça veut dire que vous avez vu les policiers ? J'en ai vu un, c'est tout. Est-ce que, à ce moment-là, vous avez entendu parler, hein ? Oui. Du vélodrome d'hiver ? Bien sûr. Ça, le vélodrome d'hiver, on en a entendu parler. On savait que c'était une catastrophe, on a entendu parler, on savait ce qui se passait là-bas. Comment vous saviez ce qui se passait là-bas ? C'est-à-dire qu'il y a quand même eu, il y avait quand même, si vous voulez, des gens qui pénétraient. Vous avez la Croix-Rouge qui allait, vous avez des gens qui en sortaient, vous savez, il y avait des bruits qui couraient. On était à la maison, la rafle avait lieu, il y avait le Veldiv, on entendait des bruits, mais exactement ce qui se passait, on savait pas très bien. Il y avait, vous savez, ça bougeait beaucoup, ça parlait beaucoup. Faire le ménage entre le vrai et le faux, c'était difficile. Mais ce qu'il y a, bon, on était quand même un peu apeurés. Mais en 42, quel âge j'avais ? Je suis né en 28. J'avais pas 14 ans. Pas tout à fait, je devais avoir 13 ans et demi, puisque je les ai quand. Ouais. Un peu plus de 13 ans et demi. Ouais. Je peux dire la suite. Il y a des témoignages qui, à force d'être répétés, en fait, se fixent et se figent, se fossilisent d'une certaine manière. Ça m'est arrivé avec des rescapés ou avec des résistants, parce que moi j'ai beaucoup interrogé des résistants. On a ça souvent chez des témoins qui ont l'habitude de témoigner, en fait. Mais là, c'est pas ça qui se produit, parce que souvent, ces témoins, c'est des gens qui ont pas tellement témoigné avant, voire pas du tout témoigné. Et donc, il y a un phénomène très étonnant de surgissement des souvenirs. Oui, alors il faut que je vous dise, ma mère est convoquée à la préfecture de police. D'abord, elle a été reçue par un Français, aux affaires juives, qui a commencé à l'interroger. « Vous êtes juive, madame ?»« Mais non, monsieur, je ne suis pas juive, je suis... » Elle était brune, frisée, les cheveux frisés. « Vous êtes juive, madame ?»« Non, monsieur, je ne suis pas juive, je suis orthodoxe. »« Vous n'êtes pas orthodoxe, vous êtes juive, madame, et vous êtes juive, et vous êtes juive, vous êtes juive, vous êtes juive, vous êtes juive. » À la fin, elle dit « Oui, et puis qui lui fait, vous m'emmerdez ?» Il prend sa pièce d'identité, il prend son tampon, il met le tampon juif dessus, il appelle un planton, il dit « Vous l'embarquez. » C'est ce que maman nous a raconté. C'était Kedjev. Vous connaissez le Kedjev ? Alors, vous avez une grande cour. Et dans cette grande cour, vous aviez les bus. Et dans ces bus, on enfermait et on enfournait les juifs. Il y a un planton qui la descend. Il y a un autre planton devant la porte. Elle voit les juifs qu'on enfourne, parce qu'elle savait que c'était les juifs, ils avaient l'étoile. Dans les bus, elle leur pique une crise de nerfs carabinés, elle se roule par terre, elle hurle ses enfants, elle pleure. C'est ce qu'on m'a raconté. C'est ce qu'elle nous a dit, hein, je ne sais pas. Je vous raconte ça, j'y étais pas. Il y a le planton qui est devant la porte qui dit au mec qui l'avait amené, tu l'as. Moi je peux pas l'emmener, elle va nous rester sur les reins en route. Hein. Moi tu te démerdes avec, j'en veux pas. Il a pris ma mère, il a remonté les escaliers. Au lieu d'aller chez le Français, il l'a monté aux affaires allemandes. Enfin, dans les bureaux d'Echele. Elle était enfermée dans une pièce toute seule. Il y a un Echele qui est arrivé, avec un accent un peu teuton, qui lui a dit. « Vous énervez pas, madame, calmez-vous, on va voter. » Je vous dis ce qu'elle m'a dit, je ne sais pas si c'est ça. « On va voter ?»« Oui, on va voter. » Ils sont ressortis un quart d'heure après, ils ont dit « Madame, on a voté, vous êtes libre, vous pouvez rentrer chez vous. » Il y en a un qui fait à l'autre, « Tu crois qu'elle va pouvoir rentrer dans l'état où elle est ? » Elle sait qu'elle va rejoindre ses gosses, elle va trouver sa force. Et maman est arrivée. Vous imaginez ? Nous, on était assis au bord du trottoir, tous les trois. On l'attendait. À ce moment-là, elle nous a expédiés à la campagne. Je ne sais plus comment, je ne sais pas. D'après ce qu'on dit, c'est par l'école maternelle de la rue Manin, je ne sais pas. Le mémorial fait ses entretiens depuis une dizaine d'années à peu près. Il y a urgence, puisque tous ces témoins vont finir par disparaître. Est-ce que ça joue lors des entretiens que vous menez ? Ça, c'est une question très importante. Enfin, moi et le mémorial, enfin, tous les gens qui participent à ça, parce qu'il y a des historiens, mais il y a aussi, et j'ai envie de dire à part égale, les techniciens, c'est-à-dire qui prennent le son, qui font l'image, et qui aussi nouent des liens avec ces gens, parfois posent des questions. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça super quand ils en posent. Ouais, on est habité par un sentiment d'urgence, bien sûr. C'est la fin, c'est une dimension assez tragique. Donc il est urgent de recueillir leurs paroles. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'il est presque trop tard. Enfin, qu'on en recueille beaucoup, mais qu'il y en a aussi beaucoup qu'on a raté. Il est arrivé plein de fois que des rendez-vous d'entretien soient décalés pour cause de maladie, de traitement, puisqu'on est face à des gens qui sont très âgés. Et puis on apprend que c'est fini, que c'est plus possible, que il y a le temps, les outrages du temps, il y a tout ça. Et puis parfois il y a des trucs incroyables, des gens qui ont plus de 90 ans, voire même plus, et qui sont d'une jeunesse, d'une vitalité, d'une précision absolument stupéfiante. Quoi. Et c'est sûr que on vit là les derniers moments de cette possibilité d'un recueil direct. Alors, il y a des textes, puis il y a des enregistrements, il y a pas mal de choses, mais ça se termine, quoi. Ce qui, au-delà de la question du recueil, pose évidemment plein de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de faire cette histoire alors que les acteurs ne sont plus là? Quel problème ça pose? C'est pas une petite question. Oui, ça fait 3 heures que vous parlez, là. Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je ne sais pas s'il est correct, s'il est mélangé, s'il est un peu fouillis. Non, c'était hyper, hyper riche. Enfin, c'était... Oui. Ah oui, je crois pas, je trouve pas, je suis sûr. Ouais. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Voilà, et si vous avez des cassettes, j'en veux. Je vais avoir un DVD avec tout votre témoignage. Oui, oui, je veux à ce moment-là en donner à mes petits-enfants et à mes enfants. Qu'ils aient un souvenir du vieux. Merci à Karen Taïeb, Lurs Matcha et aux bénévoles du Mémorial de la Shoah de la Permanence Photo. Merci à Henri Ostrowiecki, Julien Blanc et Maurice Oxenberg. La rafle du Bel Livre à la recherche des derniers témoins. Mixage Antoine Viossa. Attaché d'émission Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination Perrine Kervan. Un documentaire d'Alain Lefkovitch réalisé par Séverine Cassard.